De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. De quoi je me mêle, vous savez, c'est toute l'actualité high-tech chaque semaine à la fois sur rmc.fr, la version audio, bien sûr. On salue tous ceux qui nous écoutent en version audio dans votre voiture ou même si vous faites du sport, on sait que vous êtes très nombreux à avoir ces habitudes. Et puis la version vidéo, vous le savez, sur 01nettv.com. Un De quoi je me mêle un peu particulier. Pour tout vous avouer, ce premier club de la presse IT a été enregistré en tout début de semaine. C'est pour ça que, un, vous n'aurez pas les toutes dernières informations fraîches de l'actualité high-tech, mais malgré tout votre dose de techno, tout simplement parce que l'équipe de 01net TV et de quoi je me mêle part à San Francisco pour vous faire vivre les annonces Lenovo. Et avec le décalage horaire, etc., on pouvait pas être là vendredi. Mais malgré tout, nous sommes là. C'est ça qui est génial quand on peut enregistrer. Et puis, tout à l'heure, on retrouvera aussi Pépé Garcia qui sera là. Pépé Garcia, fidèle au rendez-vous, avec un truc incroyable. Pépé nous a dégoté une caméra 4K qui va sortir dans les semaines qui viennent et qui coûtera moins de 150 euros. Une caméra sport, vous vous rendez compte, qui pourrait peut-être concurrencer la GoPro. On parlera d'autres choses aussi avec Pépé. Ce sera dans quelques minutes. Mon Twitter, F. Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce vendredi 10 juin, c'est un club de la presse IT, vous l'avez compris, un peu particulier. Pas de Jean-Marie Portal exceptionnellement, mais il est toujours fidèle au poste et je l'en remercie. C'est Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Christophe Joly, donc vous le savez. Il reste à Paris, hein, pour le coup. Les pieds dans l'eau, mais voilà. Pas de voilà. San Francisco pour nous. Exactement. Rédacteur en chef de Metro News, on va s'intéresser justement au titre d'actualité que vous avez pu lire en tout début de semaine sur metronews.fr. Et on va commencer par un vélo. Franchement, c'est le vélo du geek. Ah, c'est ça. C'est le vélo rêvé des geeks. C'est Piaggio qui est à l'origine de ce vélo absolument magnifique, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Vélo électrique. Il faut savoir que les vélos électriques commencent à se vendre. Hein. Il s'en est vendu plus de 100 000 l'an dernier en France, c'est plus 30%, et pas que les personnes âgées. C'est devenu aussi une espèce d'objet à la mode dans les rues de Paris, sachant que vous roulez plus vite avec un vélo électrique à Paris que vous ne roulez avec un scooter. Voilà, 19 km/h de moyenne. Vous vous rendez compte, donc beaucoup plus rapidement qu'avec un véhicule. Alors, beaucoup plus vite qu'avec un véhicule. Bon, il faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas qu'il pleuve, voilà. Mais en deux roues, c'est non moins plus, sympa. En deux roues, ouais, au sens large non plus. Alors celui-ci, il va jusqu'à 25 km/h, donc c'est quand même pas mal, avec un léger sifflement inhérent à ces vélos. Il est un peu lourd, il pèse 27 kg. C'est un vélo électrique, donc c'est logique. 3 kg pour la batterie, et le reste, c'est le cadre, évidemment, et tout le système mécanique du vélo. La capacité de la batterie, c'est 400 kWh. C'est entre 60 et 120 km d'autonomie, en fonction de l'utilisation que vous en faites, effectivement. Ah ouais. Donc c'est pas mal. C'est extrêmement rare pour un vélo électrique. En général, on a quoi, 20 km d'autonomie. Là, c'est beaucoup plus. Voilà, ça commence à être plus. Sympa. Hein. C'est pas mal, d'autant qu'ils ont réfléchi à un système qui s'appelle Nuvinci, qui permet d'adapter l'assistance électrique en fonction des besoins. Donc si vous voulez démarrer au feu rouge comme une flèche et doubler tout le monde, mais vous mettez en mode city, Hill Assist. On double une Porsche, vous voilà. Savez, en vélo électrique. Si vous habitez à Montmartre, pour le démarrage en côte, vous mettez Hill Assist, ou alors ouais. Standard, qui correspond à l'utilisation la plus fréquente et à peu près à tous les terrains. C'est vraiment très convaincant. On l'a testé à Milan et on a beaucoup aimé. Vous pouvez même mesurer votre rythme cardiaque en utilisant le vélo avec un bracelet connecté, évidemment. Et vous pouvez quasi transformer ce vélo en machine de fitness en réel. Le côté geek, parce que c'est la question que vous me posez d'ores et déjà, François, je vois sur votre visage. Bien sûr. C'est que Piaggio fait communiquer la batterie, le moteur et le tableau de bord amovible. C'est-à-dire que vous pouvez, s'il manque un seul élément, le vélo ne pourra pas démarrer. Donc, ah, alors d'accord. Il faut prévenir les voleurs, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils volent la batterie, ça ne servira à rien en soi. Il faut qu'ils le sachent effectivement, donc il faut que le voleur soit geek pour savoir comment fonctionne c'est-à-dire ce que vélo. Le smartphone va déverrouiller en quelque sorte aussi le vélo. Voilà. Si on n'a pas le smartphone, il ne démarre pas. Il ne démarre pas. D'accord. S'il manque la batterie, pas évidemment, mal. Il ne démarre pas. Ouais. Si le tableau de bord amovible n'est pas là non plus, il ne démarre pas. Sachant que s'il est volé malgré tout, il peut être géolocalisé, puisqu'il y a un GPS intégré wow. Et une carte SIM intégrée. Donc c'est vraiment très bien, c'est très convaincant. Bon, il est un peu cher. Voilà, c'est ça. Bah ouais. Ouais. On voit que les vélos électriques coûtent cher. Hein. Ouais, mais celui-ci, il est vraiment cher. Aïe, aïe, aïe. Il a 3000 euros. 3000 euros ouais. Ouf. C'est mon anniversaire, bientôt. C'est le prix d'un scooter, non ? C'est le prix d'un scooter, ouais. Mais il est super beau. On ne voit pas les soudures et le cadre est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce vélo. Et puis, c'est Piaggio. Hein, c'est quand c'est même Piaggio. Avec le savoir-faire d'un grand constructeur de deux roues. Hein, ça, c'est clair. Donc voilà, ça donne envie. Voilà. Il est déjà sorti ? Il est déjà sorti. Voilà. Il sort là, dans les tout prochains jours. Attention les amis, un nouveau ransomware en approche. C'est et vous l'avez détecté, la rédaction de Metro News. Oui, tout à fait. C'est Microsoft qui envoie cette alerte, un ransomware qui s'appelle Scriptor. comme son nom l'indique, ZCRYPTOR, Scriptor. L'alerte est importante, ça concerne les versions de Windows 7, 8 et 10. Il faut savoir que les attaques de ce type sont vraiment en croissance exponentielle, puisqu'il y en a eu 40 000 depuis le début de l'année en Europe, principalement en France et en Allemagne, donc c'est quand même très important. Pour rappel, il s'agit pour ces hackers de verrouiller tous vos fichiers, de les crypter et de vous demander de l'argent pour pouvoir obtenir le décryptage. La particularité de celui-ci, c'est qu'il s'attaque à votre disque dur, celui de votre ordi, mais aussi à tous les périphériques connectés. Donc, si vous avez fait une sauvegarde et si votre disque dur est branché en quasi-permanence, il est foutu aussi. Donc, super. On disait il y a quelques temps avec Jean-Marie, pensez à faire des sauvegardes, idéalement, non pas tous les jours, mais toutes les semaines, et débranchez votre disque dur externe sur lequel se trouve la sauvegarde pour permettre qu'il ne soit pas infecté. Il faut savoir que ces hackers sont un peu gourmands, puisqu'ils réclament 500$ à payer dans les 4 jours de la contamination pour récupérer ces données. Donc Microsoft conseille une mise à jour de l'OS et une mise à jour des antivirus, évidemment. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus, notamment sur toutes les pièces jointes qui sont envoyées. Et ce virus se cache parfois dans les mises à jour de Flash. En plus. Voilà. Oui, parce que parfois, on a des pop-up, on croit que c'est des mises à jour de Flash, parce qu'on vous dit que c'est une mise à jour de Flash, mais en fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et là, vous installez donc un logiciel malveillant. Voilà. C'est vraiment le sport, j'allais dire national, mais même mondial en ce moment. Oui, c'est une ransomware. Et c'est une vraie difficulté, donc il faut vraiment être hyper vigilant. Exactement. On reste dans la sécurité avec du phishing et du free mobile, des faux mails de free mobile qui vous arrivent et qui, évidemment, sont malsains. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Un de plus, Free Mobile est quand même souvent victime de ce genre de choses parce que la marque est aussi victime de ça, finalement. Vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être déjà reçu un mail vous indiquant que le prélèvement a été rejeté, que le paiement a été rejeté pour votre abonnement. Je vous invite à vous connecter évidemment sur un lien et de facto, vous allez être victime d'une arnaque. Donc, pour rappel, si vous avez un problème de paiement, vous le saurez, mais via le site officiel de Free. Donc, allez sur Free. Surveillez bien les fautes d'orthographe quand il y en a. C'est un indicateur. Que l'adresse mail soit correcte. Si vous voyez serviceclient.fr oui, n'importe quoi, qui ressemble pas du tout à Free Mobile. Voilà, tout à fait. Laissez tomber. Ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Regardez toujours l'expéditeur de ce genre de mail si vous avez un doute. Si c'est un mail officiel, vous aurez toujours Free Mobile, Orange, etc. Voilà. Et si c'est un truc un peu bizarre qui n'a rien à voir, là, vous laissez tomber, vous mettez la poubelle. Et l'URL de l'adresse de Free se termine toujours par free.fr. Voilà. Donc, vous checkez ça et ça devrait bien se passer, mais beaucoup de gens sont à voir malgré tout. Alors, à chaque fois qu'on en parle à cette antenne, les internautes disent, mais il faut quand même être un gros négo pour tomber dans le panneau. Ben, ça arrive toujours. Il y en a quand même qui vont un peu vite. Croyez-moi, moi, je connais des gens très bien qui sont tombés dans le panneau. Qui sont pas loin d'ailleurs dans ce studio, on va pas les citer là quand même pour qu'ils se ridiculisent à jamais, mais ça peut arriver, Pour info, quand vous recevez ce mail, vous pouvez en faire le transférer à la plateforme Pharos. Pharos, c'est la plateforme officielle qui s'occupe de traiter ce genre de problématiques et c'est toujours utile de faire suivre. Donc faites suivre ces mails à Pharos, PHAROS. Et ce sera suivi des faits, je pense. Voilà. Et puis en plus, les rédacteurs en fait, de ces faux mails font des progrès aujourd'hui. Hein. Parfois, difficile parfois de s'y retrouver. Moi, je l'ai reçu, ce mail. Hein. Et je me suis posé la question. J'ai fait suivre à mon journaliste high-tech qui a suivi le sujet et qui l'a traité. Tout à fait. Mais vous êtes vigilant, Christophe Joly. On ne l'a fait pas à Christophe Joly. Jamais. On enchaîne avec Google qui travaille sur de l'intelligence artificielle pour faire des chansons. Oui, c'est ça, qui se pique de faire de la musique. Aïe, aïe, aïe. Et la première production, alors on est très très loin de Voice ou des grandes émissions, des grandes compositions. Ce morceau d'une minute 21 ne nous a pas du tout convaincus. C'est un algorithme donc, qu'il a composé. C'est le reflet de ce que pourrait composer Google dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est dans le cadre du projet Magenta. L'idée, c'est de voir là où l'intelligence artificielle pourrait être source de créativité, être utile à la créativité. Bon, je pense qu'il y a un peu de chemin à parcourir, mais on n'a pas été convaincu. Mais là, qu'est-ce que fait en fait, l'algorithme crée des paroles, c'est ça ? Non, il crée que la musique. Il crée que la musique. Voilà. Donc nous, c'est principalement ceux du Do majeur. Je vous invite à en écouter un petit peu. Voilà. En tout cas, c'est dansant. Hein. Vous mettrez ça sur votre playlist dans l'avion pour aller à San Francisco, par exemple. Une minute 21. Ça va vite vous saouler. Une minute 21. C'est ça. Ça va être long. Voilà, bon, pour l'instant, c'est relativement gratuit. Ça peut donner. On va le mettre sur le Spotify de Florian pour qu'il puisse écouter. Ça lui fera plaisir, je pense. Comme ça, on la prendra par cœur et puis on pourra la restituer. On l'offre à Florian. Tranquillement. Mais ça avait l'air un peu genre, bon tant pis, vous savez, c'est les trucs un peu Game Boy, quoi, quand même. Voilà. On va dire que c'est une première. Oui, hein, c'est bien. Enfin, attendez, peut-être que dans 10-20 ans, les robots feront des super chansons. Ouais, mais ce serait triste. Oui, c'est vrai. Cela dit, parfois, quand on entend certaines paroles, on se dit que c'est un robot qui fait ça. Hein. Ça pourrait. Christophe, on termine avec un... Non, on a encore deux news. Oui, les emojis. On va parler des emojis et juste après, on évoquera un objet high-tech étonnant. Oui, de nouveaux emojis vont arriver. Oui, arrivent. 72 précisément, avec des emojis vraiment, nouveaux. Notamment un petit personnage qui a le nez qui grandit quand vous montez. Je ne sais pas si ça vous arrive, François. Une personne qui met la main dans le visage pour dire qu'elle a honte. Une poignée de main. On croise les doigts. Ça, je trouve que c'est pas mal. Et ouais. Puis quelques... Nouveaux fruits ou légumes, on a une carotte par exemple, c'est étonnant, une crevette, un hot dog, et le croissant et la baguette font désormais partie des emojis officiels. Il faut savoir que c'est un organisme officiel qui sélectionne les emojis qui sont proposés. Il faut savoir qu'en France, le cœur reste le plus répandu, puisque c'est 55%, plus de la moitié des emojis partagés aujourd'hui. C'est les messages d'amour qu'on s'envoie. Bah oui. Hein. Donc, le petit cœur. C'est éternel. Qui existe dans toutes les couleurs. Et ces emojis arrivent partout, voilà. Bientôt. Oui, hein. Ils arrivent partout, oui, tout à fait. Oui. D'accord. J'imagine que ça sera sans doute lors d'une prochaine mise à jour des smartphones. C'est probable. Et on va terminer par un objet high-tech étonnant. Étonnant. Christophe. C'est une doudoune qui vous propose de vous réchauffer. Là, ça tombe bien, on est en plein hiver. Oui, c'est vrai. Ou on va dire en automne, hein, il pleut un petit peu. Et cette veste italienne conçue par la start-up Synapsi Technology, qui fait l'objet d'une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, vous propose effectivement, via une batterie intégrée, de faire chauffeuse. Le truc bien vu, c'est qu'elle permet aussi de rafraîchir. C'est qu'il y a une fonction réversible. Donc là, comme on va bientôt être en été, en tout cas, ça arrivera un jour. Oui, si ça arrive un jour. Oui. Voilà, si ça arrive un jour, ça permettra soit de se rafraîchir, soit de se réchauffer avec une autonomie de 10 heures. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est assez long. Ça permet de tenir alors, réchauffer, une bonne journée. J'imagine bien comment ça fonctionne, mais rafraîchir, j'ai du. Eh bien, on va tester. Hein, ouais, on va se la faire venir. Bon, elle est un peu chère. Il y a un liquide réfrigérant qui part dans le. J'en sais rien, je vois pas là où elle peut être le système réversible. Ouais. Mais on va creuser. Ce qui est bien, parce c'est que. Le chauffage, on peut imaginer qu'il y a des petites micro-résistances. Oui, voilà. Voilà, dans la doudoune, qui en plus tient chaud. Vous savez, c'est ces doudounes un peu à la mode en ce moment, très légères. Très légères, oui. Et qui tiennent chaud l'hiver. Mais bon, rafraîchissante, ça, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, il propose une application, Android ou iPhone, qui permet d'allumer ou d'éteindre le système de chauffage, de le programmer à distance. Donc, c'est pas mal. Si vous savez qu'il va faire froid avant, bah vous aurez une veste bien chaude avant de sortir. Vous pouvez même recevoir des alertes sur la base des conditions météo. Je trouve que c'est pas mal. Ça ne prémunit pas du tout des inondations. Donc là, pour le coup, hein, ça ne permet que de réchauffer. Le truc bien vu, pour ceux qui ont un iPhone, par exemple, ouais. C'est que la batterie de la doudoune peut servir à recharger votre téléphone. Ah, pas mal. Donc finalement, c'est peut-être là où c'est le plus utile. Oui. Bon, elle coûte 320 euros. La doudoune. Ouais, on fait que des trucs chers. Un vélo Piaggio à 3000 euros et une doudoune italienne aussi à 320 euros. En fait, c'est une spéciale Italie. Exactement. Mais sauf que les emojis, eux, sont gratuits. Ils sont gratuits. Ça, c'est cool. Ouais, tout à fait. Bon. Sympa cette doudoune. Mais je suis persuadé que ça va décoller, ce genre de choses. Je suis persuadé que dans quelques années, on aura une doudoune connectée qui pourra, par exemple, quand il fait froid, avec donc ces nouveaux tissus, les capteurs, communicants, etc., de pouvoir nous réchauffer encore plus vite. Surtout avec les bizarreries climatiques qu'on a actuellement. On peut le dire. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous, pour toutes ces actus donc, que vous avez pu lire en tout début de semaine donc, sur Metro News. Ce de quoi je me mêle un peu particulier, écourté donc, en raison de notre déplacement à San Francisco, se poursuit malgré tout dans un instant avec Pépé Garcia qui sera là. On va parler de Cam Sport donc, à des prix défiant toute concurrence et pourtant elles peuvent filmer en 4K. On en parle dans un instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est toute l'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les vendredis, c'est en audio sur rmc.fr et en vidéo sur 01net TV, et c'est de quoi je me mêle. Avant de se dire au revoir, je suis ravi d'accueillir, tout comme la semaine dernière, Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde, Pépé, j'espère que ça roule. Bah oui, ça va bien Pépé, je suis ravi de t'accueillir encore une fois cette semaine. Pépé Garcia que vous pouvez retrouver chaque lundi, vous le savez, sur 01net TV avec... Power, yeah. À 18h. Yes. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours un Power qui a été mis en ligne lundi, qui est génial, sur les coulisses d'une salle de cinéma. Comment fonctionne une salle de cinéma? Comment projette-t-on un film aujourd'hui? Pellicule, numérique, le son, l'organisation, enfin tout comment ça passe, marche comment quoi on reçoit un fichier. Mais voilà, mais c'est du délire, on n'avait jamais dingue. Fait. Moi j'ai adoré ce Power et je vous conseille de le retrouver donc sur 01net TV. Merci Monsieur Sorel. Mais c'est normal. Bon Pépé, yes. On va parler dans un instant d'un truc étonnant, regardez ça. Alors c'est juste pour vous teaser, hein. Ah, ça oui. sera dans un instant. Ce sont des lunettes avec un petit système sur le côté de réalité virtuelle. Augmentée. Et c'est très pratique par exemple quand on fait du vélo, quand on fait de la moto. On va vous expliquer ça dans un instant. On va parler aussi du robot Zenbo qui a été présenté par Asus au Computex, c'était la semaine dernière. Mais pour débuter, un spécial Action Cam. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir hyper beaucoup d'argent pour s'offrir une action cam. Bah, c'est devenu le sport international, puisqu'en fin de compte, au début, c'est que ça coûtait très très cher. On sait très bien qui a lancé les action cam. Hein. GoPro, et qui reste des action cam extraordinaires. Oui, hein. qui restent toujours des produits de référence. Ce sont des produits référents pour tous les sportifs, pour tout le monde. Même si ça rame un peu chez GoPro, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose comme nouveauté en ce moment. Hein. Vous savez, je pense sincèrement que les gens de GoPro sont en train de réfléchir à des tas de choses. Et, mais ça fait un moment qu'il n'y a plus de nouveauté alors, chez GoPro. Moi, si vous voulez mon avis, 360 degrés, drone, ils ont des trucs en stock, c'est évident. Vous, ces gens sont à la Silicon Valley, me dites pas qu'à la Silicon Valley, il n'y a pas... Ouais, mais je trouve qu'ils traînent un petit peu avant de sortir des trucs. Quand ils vont le sortir, ça va tellement faire mal à tout le monde qu'ils vont se dire, ah bah oui, non mais là, c'est Nawak, c'est Ravaillac votre truc. Donc voilà, ça va. Je suis persuadé que ces gens-là sur place... D'ailleurs, je serai cet été à la Silicon Valley, et si je peux taper à la porte, je connais le patron en plus, il me dit, oh pipi, I love you, et tu mets moi aussi mon pote, file-moi de la thune. Voilà, c'est bien. Et parce qu'on t'appelle pipi aux US. Bah oui, heureusement que c'est pas comme ça en France. Parce au Japon, c'est Pipi-san. C'est Pipi-san. C'est Pipi-san, c'est intéressant. Je préfère pas faire de commentaires. Non. Les action cam. On enchaîne. Les action cam. Alors, en effet, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de grandes marques qui sont, dont Ricoh, qui est là également, TNB. Vous avez vraiment, vraiment du monde au balcon. Et là, j'ai choisi une action cam. Il y a deux types d'action cam. Celle qui va vous donner des images qui sont, on va plutôt prendre celle ici pour commencer. Donc, la Ricoh, qui s'appelle WGM2. La Ricoh qui n'est pas un légume, hein. Je tiens quand même à vous le préciser. Enfin non, voilà. Vous savez ce que c'est qu'un moment où... un moment de perdition. Un moment de perdition, monsieur de la vanne. Attention, mayday, la blague est sortie. Envoyez les balises, lâchez les dragons d'Hervé Villard. Ah, ouais. Voilà. Et les dragons d'Hervé Villard. Ouais, c'est génial, ça cache les pelouses, j'adore. Bon alors, l'action cam, ça c'est dans le cas où vous voulez un produit qui a une très belle qualité vidéo. C'est-à-dire que je vais vous donner des action cam de divers niveaux, si oui. je puis dire. Là, il y a des prix étonnants pour certaines. Mais bien sûr. Alors celle-ci, c'est la Ricoh de luxe, si je puis dire. Elle vaut 300€, étanche à 20 mètres. Alors elle filme en ultra HD et 360 degrés, parce qu'elle en fin de compte deux optiques sur les côtés, donc elle additionne les deux. D'accord. En 30 ou 60 images par seconde, avec un haut débit d'image, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à 100 mégabits seconde. Waouh, pour un petit truc comme ça. Mais oui, quand vous filmez en wide complet, vous balancez la sauce en ultra HD à fond, vous pouvez grimper très haut. On a intérêt d'avoir une carte mémoire qui assure derrière. Et voilà, c'est aussi voilà. Il y a une stabilisation qui est à l'intérieur pour essayer d'avoir des images le plus stables possible. Et donc il y a le Wi-Fi dessus. Tu l'as testé, la qualité d'image, c'est bien ou pas ? Étonnant. C'est étonnant ? Ah oui, c'est étonnant. C'est un très très bon produit. Hein. D'accord. Je connaissais déjà ce produit, donc j'en parle maintenant, mais je connaissais déjà. Donc on peut la piloter également par le Wi-Fi et autres. Donc c'est un produit pour les gens qui sont vraiment soucieux d'aller un peu plus loin que les modèles dits classiques qui sont peut-être HD simple, un peu moins coûteux, c'est le produit cossu. Hein, je trouve qu'elle ressemble un peu à l'Olympus que Victor nous a présenté il y a quelques temps de cela. Vous savez, les action cam, pour trouver des designs un peu différents, c'est un peu compliqué. Elles sont toutes... ouais, c'est vrai. Oui, mais bon. Je vous le cache pas. Non, mais. Non, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Je la trouve jolie. Elle existe en orange pour les gens qui ont la vidéo et autres. Et je la trouve vraiment. J'aurais pu la faire en vert aussi. Ça se trouve en vert et contre tous. Et la Ricoh vert, ça aurait été encore mieux. La Ricoh vert. Oh, mais non, mais je vais me suicider. Je finirai pas cette émission. François, vous êtes mon dieu. C'est vrai ? Non, mais je vous jure, quand je serai plus vieux, je ferai des peintures de vous. Je tiens quand même à la regarder avant que tu la publies. Je jetterai des fléchettes. Oh merde. Donc, ah oui, sur la peinture. Ah, tout à fait, je mettrai une cible sur votre front. C'est pas très sympa. Mais tout à fait, je suis très gentil. Je fais comme ça sur mon truc. Alors voilà, l'action cam, je rappelle, si vous êtes un peu si vous voulez une image donc, qui est de belle qualité, la WGM2, donc 300€, il faut l'écosystème derrière. Donc avoir un bon diffuseur, il faut avoir un truc si vous voulez monter les images, donc déjà avec du haut débit et tout. D'accord. Donc, parce que l'image va être de très belle qualité. Hein. Voilà. Parfait. Alors après, c'est une autre strate de produits. C'est une petite marque qui s'appelle TNB, dont on parle beaucoup, hein, puisqu'ils font des accessoires, il y a du gaming, des souris. Et TNB a toute une gamme d'axes de produits pour l'été. Ce qui est bien avec la TNB que vous allez tenir dans votre main, parce que je l'ai mis sur le petit socle, qui s'appelle la TNB Wi-Fi Full HD Adrenaline, c'est que quand vous l'achetez, elle coûte 119€ et qu'en même temps, vous avez tous les accessoires avec. C'est-à-dire que 119€. Yes, sir. Et on est en quoi, là, en résolution? Ah bon, on est en Full HD. Voilà, avec pas le même débit que la Ricoh. Vous avez un Full HD plus traditionnel, si je puis dire. Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la boîte avec tout dedans. Avec un 15 accessoires à l'intérieur, c'est que vous achetez votre matériel et en même temps, vous avez la télécommande, les ventouses. Et on a même un petit écran pour ce prix-là, les amis. On a un petit écran derrière, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Il est tactilos. 119 euros, quoi. Yes. Combien ça coûte, ça, chez GoPro ? C'est deux ou trois fois plus cher, non ? On va dire que c'est plus cher. Mais au niveau qualité. Au niveau qualité, c'est bon. On va dire, j'ai un mot pour résumer ce produit, oui. Satisfaisant. C'est-à-dire que ça peut vous satisfaire. C'est pour ça que j'ai mis des strates de produits. Vous êtes exigeant, l'haricot, ou bien vous allez vers les GoPro, ou bien d'autres modèles. Et là, vous êtes moyennement exigeant, vous voudrez surtout un produit grand public, facile. Oui, pas très cher. Pas voilà, très on cher. Va pas se ruiner. Pas se ruiner. Son été. C'est l'été. Voilà, plus avoir de budget pour les vacances. 15 accessoires. Vous pouvez accrocher les ventous sur un ouais, skateboard, ouais. Sur une planche de surf, mais n'importe tout, où. On aura du Full HD. Quoi. Et en plus, boîtier étanche à 60 mètres, ce qui n'est pas le cas de tous. La plupart s'arrêtent à 20 ou à 30. Et puis donc, chez GoPro, il faut casquer. Quoi. Il faut casquer pour avoir 60 mètres. Là, vous avez 60 mètres avec celui-ci. Carte micro SD. Il y avait un capteur de 12 mégapixels. Et voilà. Donc, c'est un petit produit, je trouve, sympa. Parce que c'est pas le meilleur du monde, mais on peut dire que le rapport qualité-prix et surtout accessoire-prix est intéressant. Donc je voulais en parler dans cette émission, je trouvais ça normal. Parfait. Et alors, vous avez des annonces. Donc ça, c'est ce qu'il y a de concret qui est sorti déjà. Oui, François. Mais ce qu'on voulait vous dire, et ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette baisse des prix pour un produit 4K. Qui va sortir en septembre et qui a un tarif hallucinant. Bah ouais, ils ont décidé de taper un grand coup dans la mare au canard. TNB nous a annoncé la sortie de la Sport 4K Wi-Fi, 149 euros. Septembre. C'est-à-dire que là, les gens pourront avoir accès à de l'Ultra HD avec un capteur 16 mégapixels, grand angle 170 degrés, écran 2 pouces intégré, tout le tremblement en Wi-Fi avec une application iOS et Android pour 149 euros. 149 euros. Voilà, elle s'appelle voilà, 30 euros de plus que la Full HD. En que fait. La Full HD. Et c'est dingue ça. Bah, c'est enfin, dingue. Je veux dire, c'est... Bah, pour les gens, ça va c'est être. C'est inédit. C'est bah, ouais, à ma connaissance. J'ai pas l'impression qu'on puisse avoir aujourd'hui une caméra 4K. À 149 euros. J'ai pas vu la qualité, elle est pas sortie, hein, qu'on soit clair. Non, c'est une annonce, bien François, sûr, bien sûr, c'est une annonce. Et on voulait vous la faire bah oui, partager parce que ça vaut peut-être le coup d'attendre. Alors, c'est, évidemment, ça sera après l'été, c'est en septembre, mais ça vaut peut-être le coup de se faire, d'attendre un petit peu pour s'offrir une caméra 4K à 149 euros. Parce quoi. Que je pense que peut-être il y a des modèles de no-name, peut-être chinois ou autres, qui existent peut-être déjà. Mais moi, je ne les connais pas tous, je ne connais pas toutes les marques. Mais pour moi, c'est vraiment un pavé dans la mare. Parce que, bien sûr, ces produits, il faut savoir que s'ils sont annoncés en étant avec un capteur de 16 mégapixels en 4K, enfin Ultra HD, ils sont également Full HD. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser. Si on n'a pas tout l'équipement derrière, oui, on veut prendre une s'ennuyer avec des gros fichiers, on met tout en Full HD. Après, mais c'est vrai, tu as raison, il faut voir la qualité qu'on a en 4K. J'en ai aucune idée. Voilà, c'est ça. Ça sera fluide. Mais il n'y a pas que ça, parce que du coup, en septembre, ils vont baisser, ils vendent une nouvelle caméra qui sera Full HD à 99 euros, donc ils sont obligés de baisser tout ce qui est derrière. Bien sûr. Et en HD 720p, ils ont la même chose à 59 euros. 59 euros, vous filmez en HD, donc en 720p, avec un petit capteur, un lecteur de carte micro SD, vous avez un petit écran 1,5 pouces dessus, boîtier étanche inclus, 30 mètres, non, mais c'est un 59 euros. Donc, même chose, on ne connaît pas la qualité. C'est-à-dire, ce sont des annonces pour que. Mais ça vaut le coup de creuser. Bah, hein, bien sûr. On en reparlera en septembre. Bah, évidemment, on va les tester, on va ce faire un truc. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, au début, il y a des technos qui nous paraissent inaccessibles, inabordables parce qu'elles coûtent cher. Et puis, petit à petit, les prix baissent. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les geeks qu'on est. C'est-à-dire qu'on est plus obligé de mettre des centaines d'euros pour s'offrir des produits sympas. Quoi. Et ça, c'est super. Voilà. On enchaîne avec cette petite paire de lunettes. Puisque tu, puisque tu me le demandes, je fais la chaussée. C'est une paire de lunettes. En fait, voilà, si j'ai bien compris... On n'achète que le petit bistouniou qu'il y a sur le côté. On va installer. On va d'abord ce que se dire. Ça, pour c'est les gens tes lunettes qui... à toi, c'est ça pas du tout. Ça aurait pu. François Sorel. Donc, pour les gens qui n'ont pas la vidéo, voici le système Garmin Varia Vision. Garmin est un cador du genre. Ils font plein de trucs, des montres, des machins. Et là, ils ont décidé de s'occuper un peu de nos arrières. Ça va, je ne ressens pas trop à Gilbert Montagnier, là. Je ne sais que vous dire. Horrible. Mais arrêtez tout de suite. Alors donc. Je ne sais pas jouer du piano. Mais moi non plus, ni debout, ni assis. Donc, Garmin, donc c'est les Varia Vision. Ça se fixe à vos lunettes. C'est un accessoire qui permet, grâce à des accessoires externes comme le GPS Edge ou un radar qu'on emplace sur le vélo, de voir en réalité augmentée ce qu'il y a derrière vous. C'est très important parce que quand vous faites du vélo, c'est important de savoir si vous avez le gros camion, combien de véhicules et autres. Le radar est capable. Mais de elle est où la petite caméra là ? Elle est là ? Elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là. Non, je ne l'ai pas là, la petite caméra. Mais tout se vend en même temps ? Oui, vous pouvez acheter le radar Varia, le GPS Edge. Le GPS, c'est ce qui va vous donner des informations de réalité augmentée. C'est-à-dire que pendant que vous vous êtes avec votre lunette sur la tête. D'accord. Vous avez en même temps la possibilité de voir ce qui arrive derrière vous, donc jusqu'à 8 voitures sur 140 mètres, François. C'est pas mal. Il les détecte. Et en même temps, des informations sur la distance, la vitesse, l'endroit où vous êtes, grâce aux accessoires complémentaires. Tout se relie, en fin de compte, à ce que vous installez sur vos lunettes, et n'importe quelle lunette. Donc, alors, c'est intéressant. Voyez, là, je vous explique, mais je les ai chaussées. Voilà. Et je vois, en effet... un petit écran sur le côté gauche, voilà. Un peu comme une Google Glass, quoi, pour vous dire. Hein, c'est voilà. À peu près sauf ça. Que la Google Glass, il y a tout de suite. Là, vous installez ça sur n'importe quelle lunette, c'est-à-dire n'importe quelle lunette de cycliste. Ou voilà, si vous voulez en même temps faire de la marche à pied au bord de la route, vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver derrière vous, il est intéressant. Dans la gamme Garmin, il y a des trucs qui font marrer quand même, comme la Varia Light. C'est une lampe qu'on place à l'avant du vélo qui s'ajuste par rapport à votre vitesse et la présence d'un véhicule devant. C'est-à-dire que s'il n'y a rien devant, la lampe va être plus puissante et se relever un peu pour aller loin. S'il y a un truc devant, elle va se rabaisser et baisser la puissance. Moi, je trouve que l'avenir passe par là, François. Je pense qu'il faut être conscient des réalités sur l'avenir de tous ces produits qui peuvent nous aider à rester en vie au bord de la route. En revanche, c'est vrai que ça masque un peu la vision du côté gauche. Mais vous pouvez l'ajuster, monter, vous pouvez d'accord, la repousser. Okay. Donc, on peut faire en sorte de ne pas être trop gêné. Ou mettre plus sur le côté ou plus sur le haut. Puisque puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est modulable. Bah oui, puisque ce n'est pas intégré à la lunette, vous installez comme vous voulez, c'est, vous le clipsez. Et je trouve le produit intéressant, surtout que je ne trouve pas intéressant, c'est le tarif. Alors attendez, parce que là je connais pas le prix, donc on va s'amuser un petit peu. Ça peut coûter combien ce truc-là? Allez, je dis 199. C'est rien. Sourire. Je vous aime fait beaucoup. Un peu peur. Je vous aime beaucoup, François. Non, vous savez moins que cher. Non, c'est bien sûr beaucoup moins cher que ça. 99. C'est 400€. Donc le VariaVision coûte 400€. Non mais c'est pas possible. Mais je vous ai pas dit au début de cette émission, je vous présentais un produit pas cher. Je vous ai présenté un produit qui me paraissait d'avenir. Confondez pas les choses, cher François Sorel. Non mais d'un côté, une caméra 4K à 150 et un truc qu'on accroche sur les lunettes à 400€. Mais c'est une note de same technologie. Alors, mais par contre, en plus, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez le kit complet, c'est pour les gens qui veulent vraiment rester en vie. Donc vous avez le VariaVision qui est donc ce kit incroyable de réalité augmentée, 400€. Après, vous avez le radar qu'il faut mettre derrière, c'est-à-dire derrière votre tête alouette ou bien derrière le vélo qui coûte 200€. En plus, voilà, donc ça fait déjà 600 et vous n'avez toujours pas le GPS Edge qu'on place sur le vélo et qui vous permet de savoir quelle est votre vitesse, votre localisation. Et bref, c'est le package complet, mais you stay alive, staying alive. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tout à fait. Donc, je voulais en parler. Je trouve ça important de parler de ces produits qui, à mon avis, aussi baisseront. C'est une tentative de Garmin. Ils sont en train de lancer des trucs. Ils ont plein d'idées. C'est une technologie qui débute. Donc, je suis pour. Parfait, merci beaucoup Pépé. C'est on va terminer par une petite actu. On en a parlé déjà sur 01net TV, mais il est bon d'y revenir parce que voilà, c'est étonnant ce qu'a annoncé Asus en fait. Asus, vous le savez, c'est les PC, c'est les mobiles, etc. Ils ont annoncé un robot. Pépé. Contre toute attente, au Computex. Alors moi, je suis quand même un petit peu fan de robots parce que je suis un fan justement du Buddy et autres. Et là, ça m'a sidéré parce qu'il ressemble beaucoup à Buddy. Je pense que vous connaissez Buddy, hein, qui est un robot qui est vraiment tout une mimi. Français en plus. It is totally French. Oui, complètement français. Et là, il s'appelle Zenbo, ce qui est normal, un Zenphone, Zenbo. Et c'est un produit, en fin de compte, qui est un produit domestique de compagnie. C'est mon avis, encore une fois, je vais toujours dire des trucs avec le mot qui revient. Le côté produit d'avenir, je pense que l'avenir des robots domestiques est rose si tout se passe bien, si les prix sont intéressants et si le robot devient vraiment très intelligent. Celui-ci a une intelligence artificielle qui permet de reconnaître tout de même les personnes qui deviennent son papa, sa maman, ses petits mignon, frères. Hein. Il est vraiment mignon, ressemble vraiment beaucoup. Déjà au Buddy, que je trouvais très très mimi. Alors bien sûr, il peut se connecter au réseau domestique Wi-Fi. Il peut lire des comptines pour les enfants, vous alerter par SMS s'il y a quelque chose qui se passe de bizarre à la maison. C'est une télésurveillance à domicile parce qu'il a une caméra à reconnaissance faciale qui est là également. Il peut se connecter à votre domotique avec des tâches programmées pour baisser les... Il vous voit arriver, il va commencer à peut-être monter le chauffage ou ouvrir les persiennes électroniques, enfin, mécaniques ou autres. Bref, il y a des tas d'indications vocales. Il peut vous parler, répondre, vous répondre. D'accord. Il vous reconnaît, il vous répond derrière. Il peut diffuser des films sur son écran. Bon, ça, c'est normal, ça devient une tablette. Entre guillemets, des news d'alerte. Il peut se mettre à parler au milieu de la soirée s'il y a une alerte de news, un truc important. Il dit, est-ce qu'il se passe ? Il aime regarder sous les yeux des filles. Il a été programmé pour ça. Avec une prime, souvent, on y arrive. Vous me donnez un enchaînement extraordinaire puisqu'il peut prendre des photos aléatoires à volonté. Donc, cette bestiole est en plus complètement vicelarde. Oh, je vous Dieu. Propose de ne pas l'acheter. Bonne journée, cette émission est terminée. Bon, on a dit le prix, 600$. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de date de production. J'ai cru comprendre que ça coûtait 600$. Ça serait le normal. C'est un prix... à mon avis, c'est entre 500 et 800, n'importe comment. Bon, pour un robot domestique de entre guillemets, téléprésence et de compagnie. C'est un compagnon numérique qui vous cause la life. Bon, parfait. Merci beaucoup, mon cher Pépé. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Vraiment. Bien sûr. J'espère que les gens ont aimé. On se retrouve très vite, alors, bientôt dans De quoi je me mêle, et dès lundi pour Power, vous le avec savez. Avec un best-of des produits de l'été, tout type de produits confondus, casques, écouteurs, action cam, on a tout mis dedans, tous les trucs qu'on aime bien dans Power, qu'on a testé, il y en a plein de trucs qu'on n'a pas testé, ils ne sont pas dedans. Toutes les nouveautés d'été. Les trucs d'été sympas qu'on peut acheter à tous les prix. C'est cool, merci beaucoup Pépé. Alors ce De quoi je me mêle est un petit peu plus court que la semaine, pour tout vous dire. Voilà, toute l'équipe de Zéronet TV était à San Francisco pour Lenovo, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi. On repartira sur notre format d'une heure habituellement. Merci en tout cas de nous avoir suivis, comme chaque vendredi. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. N'hésitez pas à réagir sur toute l'actualité high-tech. Pépé y est aussi. Vous ouais. C'est moi, le troll, c'est moi. Quand j'insulte, c'est moi. C'est plein de noms différents. Portez-vous bien, merci d'avoir été avec nous. On sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv.